ce matin, j'ai convoqué Solange Faladé pour que elle m'explique quelque chose concernant le nœud borroméen. Je dois dire que le nœud borroméen est une énigme. Oui. Vous pouvez me donner aussi le papier. Le papier, oui. Il n'y a qu'un nœud borroméen. Si vous rabattez novembre 1979. Excuse d'avoir mis en cause Solange Faladé à la dernière séance. Je voudrais aujourd'hui reprendre le nœud borroméen. Le nœud borroméen se dessine comme ça. C'est-à-dire qu'il peut aussi bien se dessiner comme ça, dans n'importe quel ordre. Il y aurait un quatrième ordre. Il y a moyen de faire passer quoi que ce soit en n'importe quelle fonction. C'est indifférent que l'ordre soit respecté. C'est-à-dire, votre thème, bon, on peut laisser les choses en plan. En effet, pour qu'il puisse se défaire. terre et l'évangile d'extrême. Ici, on peut considérer qu'il est l'évangile. Il est néanmoins douteux qu'il soit l'évangile. En effet, on pourrait considérer qu'il tourne à droite. C'est une question de mise à plat. Si on le met à plat, il est exposé. De la chose se dépasse de ce qui est illustré par le fait qu'ici ça s'est fait et qu'ici ça serait. Il est donc ici ça serait. Ici ça serait aussi. Je veux dire que ces deux éléments sont doués.